إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence donc aujourd'hui le cours 3 dans l'explication du livre de Cheikh Abdussalam ibn Burjis rahimahullah Al-Amru bi luzumi jama'at al-muslimin wa imamihim wa tahdhiru min mufaraqatihim. Et donc c'est le cours 3 aujourd'hui, comme je disais. Et puis on est dans le chapitre des preuves, les preuves de la sunna à propos de l'ordre de rester avec la jama'a et l'interdiction de sortir contre la jama'a ou sortir de la jama'a. On a mentionné au dernier cours, on était rendu à l'explication de la preuve numéro 2, Dalil al-Thani. Et Ad-Dalil al-Thani, c'est le hadith. Ad-Dalil al-Thani, c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit Nadar Allahum ri'an sami'a minna hadithan fahafizahu hatta yuballighahu ghayrahu fa'innahu rubba hamil fiqh laysa bifaqih wa rubba hamil fiqh ila man huwa afqahu minhu thalath khisal la yaghillu alayhinna qalbu muslimin abadan ikhlasu al-amal lillah wa munasahatu wulati al-amri wa luzum al-jama'ah fa inna da'watahum tuhitu min wara'ihim. Al-Hadith. Et l'autre version également, Thalathun la yaghillu alayhinna qalbu al-mu'min. Donc si on lit le Hadith de l'autre narration au complet, Naddarallahum ra'an sami'a ma qalati fawa'aha thumma addaha ila man lam yasma'aha farubba hamila fiqhin la fiqha lah warubba hamila fiqhin ila man huwa afqaha minhu ثلاث لا يغل عليهن قلب المؤمن إخلاص العمل والنصيحة لولي الأمر وفي لفظ طاعة ذوي الأمر ولزوم الجماعة فإن دعوتهم تكون من ورائه. Donc il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il dit donc que Allah éclaircisse et illumine le visage de la personne, la personne qui a entendu de nous un hadith, qui l'a mémorisé jusqu'à ce qu'il l'a transmis à quelqu'un d'autre, jusqu'à ce qu'il le transmette à quelqu'un d'autre. Il dit, car il est possible qu'une personne porte une compréhension sans qu'elle ait elle-même compris, qu'elle porte un fiqh, une science quelconque, sans qu'elle ait elle-même compris. cette science. Et il est possible que une personne porte une science ou une compréhension et qu'elle la transmet ou elle la donne à quelqu'un qui a plus de compréhension que lui. Ensuite, il a dit, il y a trois caractéristiques que yani, il n'y aura pas dans le cœur du musulman à leur sujet, aucune trahison, aucune animosité, aucune rancœur, aucune rancune. Hein, c'est dans le sens de ça. Et les trois choses en question, c'est ikhlas ul amali lillah. Donc le fait d'avoir de l'ikhlas, c'est-à-dire de la sincérité, de la pureté dans tes œuvres. C'est-à-dire que tu vas les accomplir uniquement pour Allah. Et le deuxième, c'est munasahatu ulati al-amri, c'est-à-dire de donner le bon conseil aux dirigeants, ceux qui ont l'autorité et le commandement. Et la troisième, c'est de rester avec la jama'a des musulmans, ceux qui se sont rassemblés autour du dirigeant. Il dit parce que leur invocation, hein, les enveloppe, hein, c'est-à-dire enveloppe derrière tous ceux qui sont dans la jama'a. Et dans l'autre narration, qui est dans la Mousnad de l'imam Ahmad aussi, il mentionne le hadith, le même hadith, mais avec quelques variations. Il dit que Allah illumine yani la personne ou le visage de la personne qui a entendu ma parole et qui l'a mémorisée, puis qui l'a transmise à celui qui ne l'a pas entendu. Parce que il est possible qu'une personne porte une science et qu'il la porte à celui qui n'a qui c'est-à-dire il est possible qu'une personne porte une science ou une compréhension sans qu'il la comprenne lui-même. Et il est possible également qu'une personne porte une science ou amène une science à quelqu'un qui a plus de science que lui. Hein? Des fois, quelqu'un, il a mémorisé quelque chose ou il a appris quelque chose, mais il ne le comprend pas. Puis, il le mentionne à quelqu'un qui a plus de science que lui, et cette personne-là, quand il lui mentionne la parole, eh bien, elle le comprend directement, puis elle lui explique. Donc, l'importance de transmettre la science. Et ensuite, il dit, il y a trois choses. Le cœur du musulman ne va pas avoir de rancune ou de trahison envers elle. Et la première, c'est le fait de purifier nos œuvres. Hein? Ikhlasul amali lillah. Le deuxième, c'est d'avoir de l'intention, d'avoir de la sincérité envers le dirigeant et de lui donner le bon conseil. Et dans une autre narration, dans une autre version, d'obéir à celui qui détient le commandement. Et la troisième, c'est de rester avec la jama'a des musulmans. Hein, de rester avec la jama'a parce que leur invocation, l'invocation de la jama'a, elle enveloppe tous ceux qui sont derrière, hein, derrière le dirigeant. Donc, ça, c'est le hadith en question. On a lu plusieurs points au sujet de certains termes et certaines expressions qui sont mentionnées dans ce hadith. Et maintenant, on est arrivé à un endroit où le cheikh Abd Salam ibn Burgess, il cite le sharh de ce hadith dans les paroles de l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyah, rahimahullah, dans son livre Miftahu Dar al-Sa'ada. Miftahu Dar al-Sa'ada, il dit donc, pour expliquer ce hadith-là, وقد شرح العلامة ابن القيم رحمه الله هذا الحديث شرحا موجزا جميلا جاء فيه قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم إلى آخره أي لا يحمل الغلة ولا يبقى فيه مع هذه الثلاث فإنها تنفي الغلة والغش ومفسدات القلب وسخائمه. فالمخلص لله إخلاصه يمنع غل قلبه ويخرجه ويزيله جملة، لأنه قد انصرفت دواعي قلب دعوى قد انصرفت دعاوي دعاوي قلبه وإرادته إلى مرضاة ربه، فلم يبق فيه موضع للغل والغش، كما قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فلما أخلص لربه صرف عنه دواعي السوء والفحشاء، فانصرف عنه السوء والفحشاء. Donc il explique premièrement que la signification du hadith, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il y a trois choses, il n'y aura pas de rancune ou de trahison dans le cœur du musulman contre elle, jusqu'à la fin du hadith, il dit, c'est-à-dire que la rancune et la rancœur ne peut pas rester dans le cœur du musulman lorsque ces trois choses sont présentes. Hein? Parce que ces trois choses qui sont mentionnées dans le hadith, elles viennent nier et contredire et opposer cette trahison, cette tricherie, ou tout ce qui vient corrompre le cœur. Hein? Et c'est évident, et c'est ce qu'on voit, parce que la réalité, c'est que tu vois que ceux qui ont de la rancune et de la trahison et de la rage dans le cœur, en général, comme par exemple les Khawarij, ils ne parlent que contre les dirigeants et ils ne font à longueur de journée que les insulter et que les critiquer. Ces gens-là, c'est clair qu'ils n'ont pas de nasiha envers le dirigeant. Hein? Ils n'ont pas de sincérité envers le dirigeant. Et ils ne font pas leurs actions avec sincérité pour Allah. Hein? Quand ils critiquent, ce n'est pas pour Allah. Ils critiquent, c'est parce qu'ils ont quelque chose dans leur âme qui les dérange et ils veulent uniquement critiquer pour faire du tort en général. Donc, et ils refusent également d'obéir à ceux qui détiennent le commandement et par conséquent, ils ne restent pas avec la jama'a. Donc ça, c'est ce qu'on constate de la part de la personne qui est en dehors de la sunna parce qu'elle a suivi les voies des gens de bid'ah et des khawarij et des shi'a et des mu'tazila et des autres tendances comme les ikhwan, ceux qui opposent les dirigeants musulmans. Hein? Et donc, c'est ça que ici, le cheikh, il explique, c'est que lorsque quelqu'un, il a établi ces trois principes et ces trois règles-là dans son cœur, il n'aura plus de riche, il n'aura plus de ril, de rancune, de trahison, de rage dans son cœur contre les dirigeants et contre les musulmans. Donc c'est pour ça que le musulman qui est sur la sunna, le musulman qui est salafi, qui a accepté la compréhension des sahaba et qui suit la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, son cœur, il est débarrassé de toutes ces sources de corruption de son cœur. Et il dit, le cheikh, « Fal mukhlisu lillah » donc Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit, donc la personne qui est mukhlis envers Allah, c'est-à-dire qui est sincère, qui a une pureté dans ses œuvres, et dans ses paroles, et dans ses actions, tout ce qu'il fait, il le fait que pour Allah. Tout ce qu'il dit, il ne le dit que pour Allah. Et en même temps aussi, al-ikhlas, ça veut dire toutes ses œuvres sont exemptes de shirk. C'est-à-dire dans toutes ses actions et ses paroles, il n'y a aucune forme de shirk, ni mineur, ni majeur. Donc le mukhlis, celui qui a purifié, et qui a rendu ses œuvres pures et sincères pour Allah seul, eh bien, sa sincérité et sa pureté l'empêchent d'avoir justement cette rancœur dans son cœur. Cette sincérité-là, elle fait sortir tout ce qu'il y a comme ce genre de trahison et de rancune et de rancœur dans son cœur. Ça le fait sortir d'un seul coup. Hein? Ça l'élimine complètement. Pourquoi? Parce que toutes les incitatifs et les tentations et les désirs hein, de mauvaises qui sont en contradiction avec l'agrément d'Allah et avec la foi, hein, sont éliminés justement par cette ikhlas, par cette sincérité-là. Et se tournent uniquement vers l'agrément d'Allah. Donc il ne reste aucune place pour la trahison, pour la tricherie et pour la rancune. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le mentionne à propos de Yusuf alayhi salam dans le verset 24 dans sourate Yusuf alayhi salam, il dit, et c'est ainsi que nous avons détourné de lui tout le mal et toute la turpitude. Parce que, hein, certes, il était du nombre de nos serviteurs qui sont yani choisis, hein, qui sont choisis et qui sont sincères et purs dans leurs actions, dans leurs croyances. Donc, parce qu'il était mukhlis, Yusuf alayhi salam a été préservé et protégé par Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah a détourné de lui tous les incitatifs et toutes les choses qui pourraient l'amener ou le tenter à tomber dans le mal ou dans la turpitude. Et donc, il s'est détourné du mal et de la turpitude lui-même, de tous les péchés qui sont hein, laids. Et ensuite, il dit, وَلِهَذَا لَمَّا عَلِمَ إِبْلِيسَ أَنَّهُ لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَى أَهْلِ الْإِخْلَاصِ استثناهم من شرطته التي اشترطها للغواية والإهلاك فقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين وقال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين فالإخلاص هو سبيل الخلاص والإسلام هو مركب السلامة والإيمان خاتم الأمان. Donc le cheikh Ibn al-Qayyim rahimahullah, il donne un autre exemple. Il dit, et regardez lorsque Iblis, hein, le shaitan, lorsqu'il a su qu'il n'avait aucune voie et aucun moyen hein, pour égarer les gens de la sincérité et de la pureté, il les a exclus. Hein. Il les a exclus et il a fait d'eux une exception dans la condition de ce qu'il a dit à propos de vouloir égarer tous les hommes. Hein. Il les a exclus, il a fait deux, une exception ou une exclusion dans sa volonté, dans sa détermination de vouloir égarer tous les hommes. Lorsqu'il mentionne dans le verset 82 et 83, dans Sourate Al-Hijr, hein, ou dans Sourate Sad et dans Sourate Al-Hijr. Donc le verset dans Sourate Sad 82 et 83, il dit, par ta puissance, hein, par ta puissance, je vais tous les égarer, excepté ceux d'entre eux qui sont tes serviteurs choisis et purs, hein, sincères. Et il dit également dans le verset 42, dans Sourate Al-Hijr, il mentionne, Allah subhanahu wa ta'ala a dit la parole de il cite Iblis lorsqu'il dit, certes, ou plutôt, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui s'adresse à Iblis et qui dit, mes serviteurs, certes mes serviteurs, hein, laissa laka alayhim sultan, tu n'auras sur eux aucune autorité, aucun pouvoir, illa man ittaba'aka min al-ghawin, excepté ceux parmi les déviés qui vont te suivre. Hein? Et le cheikh, il explique que la sincérité, c'est en réalité c'est la voie du salut. Hein? Et l'islam, eh bien, c'est l'embarcation de la paix et de la de c'est la voie pour être sauvé. C'est l'embarcation, en voulant dire, c'est c'est la chose que sur laquelle tu dois être pour être exempté de tout mal et d'être sauvé de l'égarement. Et la foi, eh bien, c'est le sceau de la sécurité. C'est le sceau de la sécurité. Et il dit ensuite, wa qawluhu wa munasahatu a'immatil muslimin wa hadha aydan munafin lil ghilli wal ghish fa innal Donc le cheikh, il dit ici la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il mentionne la deuxième chose dans le hadith, il dit est de donner le bon conseil aux dirigeants et d'être sincère envers eux. Parce que al-munasaha, ça veut dire de donner la nasiha. Et al-nasiha, ça veut dire la sincérité. Et ça veut dire aussi le bon conseil, parce que ça implique le bon conseil. Mais à la base, c'est la sincérité. Parce que dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ad-dinun nasiha. Hein? Ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha. La religion, c'est la nasiha. Donc c'est comme si il n'y a pas de religion, il n'y a pas dans l'islam, il n'y a pas de religion excepté la nasiha. C'est en voulant dire, c'est comme si la nasiha dans l'islam est tellement importante qu'elle résume et elle explique à elle seule l'islam au complet. C'est pour ça qu'il dit que la religion, c'est la nasiha. Et quand les sahaba ont demandé, ils ont demandé quoi? Ils ont dit, Liman, ya Rasulallah, hein? Pour qui? Hein? Ou envers qui on doit avoir cette nasiha au messager d'Allah? Et c'est à ce moment-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Lillahi, ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. Donc quand tu vois ça, ce hadith-là, qui ordonne la nasiha, quand les sahabes ont dit envers qui, il a dit envers Allah. Et qu'est-ce que ça veut dire donner la nasiha à Allah? Est-ce que donner la nasiha à Allah, ça veut dire que tu vas donner un bon conseil à Allah? Hein? Ou envers le livre, hein, l'Ikitabihi. Est-ce que donner la nasiha au livre, au Coran, tu vas donner au Coran un bon conseil? Hein? Ou les rasoulihi. Est-ce que ça veut dire que tu dois donner un bon conseil au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à son messager? Non. La nasiha, ici, ça veut dire al-ikhlas, ça veut dire al-sidq, hein? Ça veut dire d'être sincère. Hein? D'être véridique. Et c'est ça qui est impliqué ici par al-munasaha, d'être sincère envers les dirigeants des musulmans et les musulmans en général. Hein? Et en particulier lorsqu'on est amené à interagir avec le dirigeant, eh bien, il faut agir avec lui avec sincérité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ton intention, quand tu lui donnes la nasiha, il faut pas que ton intention soit uniquement comme certaines personnes parfois qui se laissent uniquement aller parce qu'ils voient de l'injustice de la part du dirigeant, donc ils se laissent uniquement aller par vengeance, parce qu'ils ont subi une injustice quelconque, alors ils veulent se venger de cette injustice-là à tout prix, et donc il commence à critiquer et à faire des commentaires déplaisants à propos des dirigeants. Donc, est-ce que le fait de faire ces commentaires-là, soit en privé ou en public, en parlant mal contre ceux qui sont au pouvoir dans les pays musulmans, est-ce que ça, selon toi, c'est la manière qui va réparer et régler le problème et qui va éliminer l'injustice ou qui va éliminer يعني le mal de ce dirigeant-là et le corriger, hein, jamais de la vie. Hein? Ça, c'est clair. Même si, par exemple, supposons que quelqu'un, par exemple, son père, hein, supposons que toi, ton père, hein, n'importe quelle personne d'entre nous, on a tous un père. Hein? Donc, si quelqu'un, son père, il est injuste envers lui. Hein? Est-ce que le fait de sortir dehors et d'aller voir les gens et de parler avec les gens en privé et en public et de dire à tout le monde, mon père il est injuste, mon père il a fait ci, mon père il a fait ça, mon père il est comme ci, mon père il est comme ça. Est-ce que le fait d'agir de cette manière, est-ce que ça va corriger, hein, l'injustice du père et ça va le rendre plus juste? Au contraire, ça risque peut-être même de le rendre, hein, plus injuste, puisque lorsqu'il va voir ça, il va dire, ah, c'est comme ça, tu parles derrière mon dos, tu me critiques devant les gens, tu parles en mal contre moi. Donc, ok, d'accord. Hein? Donc, c'est pour ça, la façon de corriger et de donner le bon conseil, premièrement, il faut donner le bon conseil à celui qui en a besoin et on donne le bon conseil à lui directement, parce que c'est lui qui a besoin de cette nasiha. Et si on lui donne cette nasiha, c'est pour son bien à lui. Hein? En premier, c'est pour son bien à lui, parce qu'il va avoir des comptes à rendre au jour de la résurrection devant Allah si il n'est pas juste. Donc, lorsque tu donnes la nasiha au dirigeant, avant tout, c'est pas, hein, uniquement pour satisfaire ton nafs, parce que toi, t'es fâché ou t'es en colère. Et que tu veux yani, dégager un peu de ta rage, hein, en lui disant qu'est-ce qui te déplaît et en lui faisant part de tes commentaires. Si c'est juste ça ton intention et ton but et ton objectif, alors tu n'auras pour cet acte aucune récompense de la part d'Allah et probablement même que tu vas être châtié même ou puni par Allah parce que, hein, tu vas faire du tort à toi-même et tu fais du tort aux autres et yani, tu agis d'une manière qui est incorrecte. Tandis que si tu es sincère et que tu veux donner la nasiha à ce dirigeant-là, eh bien premièrement tu la donnes pas pour toi-même, tu la donnes premièrement pour cette personne, pour son bien. Et tu le fais uniquement pour plaire à Allah, hein? Pas pour faire parler de toi, pas pour que les gens disent oh, lui, il est courageux, il n'a pas peur, hein, il parle, il dit la vérité, hein, et ainsi de suite. Comme certains, ils le font aujourd'hui, d'une manière qui est contraire à la sunna, lorsqu'ils critiquent les dirigeants en public, ou en privé, et qu'ils parlent, d'une manière qui est uniquement dans le but de salir, ou de faire du tort, ou de nuire. Alors tu dis, ben, cette personne, son intention, c'est pas pour le bien et c'est pas pour Allah, hein? C'est uniquement pour son nafs et son shaitan qui le pousse, hein? Donc ça, c'est des choses importantes et ça, c'est exactement ce qui est voulu, c'est exactement ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clarifié dans ce hadith-là. Donc il doit pas y avoir aucun riche dans ton cœur pour celui qui est au pouvoir sur les musulmans, qui a la responsabilité de la Ummah et des musulmans. Il a besoin de fidèles, hein, dans le sens qu'il a besoin des sujets ou il a besoin des gens qui vont lui donner la nasiha et qui sont sincères, qui veulent le bien, son bien à lui, qui veulent le bien de la Ummah et qui vont lui donner des conseils, qui vont l'aider dans ses décisions, dans ses choix, dans ses opinions, dans sa façon de diriger, pour être capable de faire les choses mieux. Hein? Si toi, tu as une bonne opinion, tu as une bonne idée, tu connais bien quelque chose, alors partage-le ou bien fais-le parvenir, donne la nasiha à ton dirigeant de la manière qui t'est possible de le faire. Mais de critiquer derrière le dos, de faire des comme certains là, surtout les, comment ils s'appellent, ceux qu'on appelle pas les critiques politiques, mais les analystes, hein, les analystes politiques, On les entend toujours faire leurs analyses là dans les médias. À chaque fois qu'un dirigeant dit quelque chose ou fait quelque chose ou prend une décision ou des choses de ce genre, et là tu les vois dans les émissions de télé, ils viennent et là ils commencent à dire, oh, il aurait pas dû faire ça comme ça, il a fait ça pour telle raison, c'est ça son intention. Et après ils commencent à, par la suite, ouvrir la possibilité, disons, ouvrir les chaînes de télévision maintenant pour les auditeurs qui ou les téléspectateurs, ceux qui veulent donner leur point de vue, hein? Alors ils vont faire des lignes ouvertes, les gens appellent, et là, un tel, il a une question, il dit, ah, oh, mais telle chose est arrivée, moi je pense que c'est ci, moi je pense que c'est ça, c'est pas bien. Et chacun commence à appeler pour donner son opinion. Hein, n'importe qui. On ne sait même pas des fois si c'est n'importe qui. Il y a des gens qui savent rien du tout, qui comprennent rien du tout. Chacun il veut interpréter les choses à sa façon. Chacun a son propre opinion. Chacun pense qu'il a mieux compris que l'autre. Et c'est ça qu'on remarque chez beaucoup d'Arabes parmi les musulmans et beaucoup, beaucoup de non-Arabes aussi. Il y a toujours cette catégorie-là. Hein, de gens qui pensent qu'ils ont mieux compris que tout le monde. Donc ça, c'est important de faire attention à ça. C'est pas la façon d'agir, c'est pas la façon de faire. Et ça n'amène en général rien de bon. Hein, parce que le commun des musulmans dans la population, il va écouter ça, il va entendre ça, et ça va uniquement l'amener à vouloir lui aussi commencer à dire ce qu'il pense. Même si, ou bien même parfois à répéter uniquement qu'est-ce qu'il a entendu dans ces médias-là, sans réellement savoir lui-même la réalité de quoi que ce soit. Donc ça, c'est un rappel important là-dessus. Et le cheikh, il dit, وهذا أيضا منافٍ للغل والغش فإن النصيحة لا تجامع الغل إذ هي ضده فمن نصح الأئمة والأمة فقد برئ من الغل. Donc il dit, celui qui a été sincère envers les dirigeants des musulmans, qui leur a donné la nasiha, eh bien ça veut dire qu'il n'a pas de ghil, il n'a pas de rancune, il n'a pas de trahison, de tricherie dans son cœur. Hein? Au contraire. Et il dit, le cheikh, que la nasiha, elle ne peut pas se réunir dans le cœur en même temps que la rancune et la trahison. Hein, ça peut pas, parce que c'est deux choses qui s'opposent. Donc soit tu as une ou l'autre, mais les deux choses ensemble peuvent pas être présentes dans le cœur en même temps. Et donc celui qui a été sincère envers les dirigeants et envers la Ummah, alors il est innocent de toute forme de rancœur et de tricherie. Ensuite, il dit le troisième point, wa qawluhu, ولزوم جماعتهم هذا أيضا مما يطهر القلب من الغش ومن الغل والغش فإن صاحبه للزومه جماعة المسلمين يعني يحب لهم ما يحب لنفسه ويكرهه لهم ما يكره لها ويسوءه ما يسوءهم ويسره ما يسرهم وهذا بخلاف من انحاز عنهم واشتغل بالطعن عليهم والعيب والذم لهم كفعل الرافضة والخوارج والمعتزلة وغيرهم فإن قلوبهم ممتلئة غلا وغشا ولهذا تجد الرافضة أبعد الناس من الإخلاص وأغشتهم للأئمة والأمة وأشدهم شدهم بعدا عن جماعة المسلمين فهؤلاء الناس فهؤلاء أشد الناس غلا وغشا بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم والأمة وبشهادة الأمة عليهم وشهادتهم على أنفسهم بذلك فإنهم لا يكونون قط فإنهم لا يكونون قط إلا أعوانا وظهرا على أهل الإسلام فأي عدو قام للمسلمين كانوا أعوان ذلك العدو وبطانته. وهذا أمر قد شاهدته الأمة منهم، ومن لم يشاهد فقد سمع منه ما يعني ما يصم الأذان ويعني يشجي القلب. Donc le cheikh ici il explique un point important. Il dit et de rester avec la jama'a des musulmans, hein, et de le dire avec le dirigeant et sa jama'a, c'est-à-dire ceux qui sont, hein, les musulmans qui se sont réunis autour de ce dirigeant-là dans le pays. Donc le pays, c'est la jama'a, en réalité, c'est le pays musulman, hein, là où il y a les pays musulmans. Chaque pays musulman est une jama'a, mais en réalité, même si en réalité toute la umma est une seule et unique jama'a, mais comme on l'a expliqué au dernier cours, étant donné que les pays musulmans, avec le temps, se sont éloignés, yani le territoire s'est agrandi, et les contrées sont devenues très très vastes, et il devenait difficile à, par exemple, une région d'être contrôlée par une autre, étant donné qu'il y avait tellement de distance entre les deux. Par exemple, de Bagdad au Maghreb à l'époque, c'était tellement loin que, yani, à un moment donné, les régions devenaient indépendantes. Et les ulama ont donné la fatwa dans ces cas-là que dans chaque région où il y avait un dirigeant et qu'il était indépendant, alors dans ce cas-là, il devient le dirigeant, le khalifa pour cette région. Donc dans chacun des pays musulmans aujourd'hui, là où il y a un dirigeant, alors les musulmans de ce pays-là, ils forment la jama'a. Hein? Ils doivent écouter et obéir à ce dirigeant-là dans le bien, selon les règles de l'islam. Donc maintenant, le cheikh, il explique que donc, de rester avec cette jama'a, ça veut dire, hein, de purifier ton cœur de toute rancune et de toute trahison, de tricherie contre cette jama'a. Hein? C'est-à-dire que tu ne vas pas essayer de diviser la jama'a en essayant de prendre le pouvoir ou de disputer l'autorité à celui qui la détient, hein, et ainsi de suite. Donc le cheikh il dit que la personne, yani, en restant avec la jama'a des musulmans, eh bien ça implique que il va aimer pour la jama'a ce qu'il aime pour lui-même. Et il va détester pour elle ce qu'il déteste pour lui-même. Et tout ce qui leur arrive de mal, eh bien, ça lui fait du mal. Et tout ce qui leur arrive de bien, eh bien, ça le rend heureux. Tout ce qui le réjouit, ça les réjouit aussi. Hein? Tout ce qui le réjouit, ça les réjouit aussi. Ou plutôt, il se réjouit de ce qui leur réjouit. Hein? De ce qui les réjouit. Et il dit ensuite, et ça, c'est contrairement à ceux qui se sont détournés de la jama'a et qui se sont préoccupés uniquement qu'à faire des critiques et des attaques et des blâmes, hein, et de chercher les défauts des dirigeants, comme le font les Rafida, la secte des Shia, Rafida. Pourquoi ils détestent les dirigeants partout où ils sont, en particulier, bien entendu, les dirigeants de Ahl-Sunnah? Pourquoi? Parce que pour eux, tous les dirigeants sont des usurpateurs du pouvoir, parce qu'ils considèrent que les dirigeants, ça doit être les imams, c'est-à-dire, selon eux, les descendants de Ali radiallahu anhu. Hein? Donc, les 12 imams des Shias, eux, ils considèrent que c'est des êtres particuliers, des êtres surnaturels, des demi-dieux presque, hein, parce qu'ils leur donnent des attributs de la divinité. Ils croient qu'ils ont la connaissance de l'invisible, qu'ils contrôlent l'univers, que tous les atomes de l'univers se prosternent devant leur autorité, hein, qu'ils sont un statut plus élevé que les anges et que les prophètes. Donc ça, c'est des paroles qu'on retrouve dans les écrits de Al-Khomeini, dans son livre, hein, « Hukumat Islamiyya ». Quand il a parlé de ce sujet, il a mentionné ces choses-là à propos des imams, hein, des Ithna Ashriya. Donc les 12 imams, eux, on sait que le dernier d'entre eux qui est supposément, selon eux, disparu il y a 1200 ans et qui est en état d'occultation, c'est-à-dire qui est devenu invisible et qui se promène dans le monde et qui va réapparaître supposément à la fin des temps. Et ils disent que c'est lui le Mahdi, donc il va revenir à la fin des temps. Et ils ont inventé à propos de ça toutes sortes de fables. Bien entendu, ça, c'est pas le vrai Mahdi, hein, celui en lequel les gens de la Sunna croient ou savent qu'il va venir vers la fin des temps, tel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué dans la Sunna. Mais eux, leur Mahdi à eux, c'est une fable, hein, un mythe, une invention, et tout à fait, hein, ridicule, puisqu'ils croient qu'il est né depuis 1200 ans et qu'il est encore en train de se promener et qu'il est invisible quelque part dans le monde. Donc ça, c'est des exemples de leurs mensonges. Et à cause de ça, ils sont contre tous les dirigeants de Ahl Sunna. Déjà dans le passé, à part le khalifa Ali, radiallahu anhu, qui a été khalifa des musulmans, ainsi que Al-Hassan ibn Ali, radiallahu anhu, qui a été khalifa lui aussi et qui a donné le pouvoir de son plein gré. Hein, il est descendu du pouvoir et il l'a offert à Muawiya, radiallahu anhu, hein, pour faire cesser la fitna. Donc, à part ces deux-là, radiallahu anhuma, les autres, ils n'ont jamais touché ou n'ont jamais eu du pouvoir. Ils n'ont jamais été khalifa, ils n'ont jamais été imam. Mais eux, à cause de ça, ils ont inventé à leur sujet toutes sortes d'idées ou de croyances par lesquelles ils prétendent que leur pouvoir transcende, hein, le pouvoir mondain, le pouvoir de la dunya. Ils pensent même que leur pouvoir, il s'étend même à l'univers tout entier. Donc, même si, selon eux, ils ne sont pas dirigeants en réalité, eh bien, ils sont tout de même imams. Hein. Et ça, c'est tout à fait ridicule. Et c'est des croyances totalement contraires à qu'est-ce qui est raisonnable et logique. Et les dirigeants dans l'islam, ce sont ceux qui sont au pouvoir. Ce ne sont pas ceux qui prétendent être imams alors qu'ils n'ont aucune autorité. Et en même temps aussi, c'est pour ça qu'eux, ils ne reconnaissent pas l'obligation de beaucoup de règles de l'islam, comme par exemple le djihad. Ils considèrent que le djihad, ça n'existe pas, puisque ça prend l'imam pour faire le djihad. Donc eux, ils n'ont pas d'imam. Alors, ils disent que dans ce cas-là, c'est pas besoin de faire le djihad. Et la même chose pour le Jumu'ah, ils ne prient pas le Jumu'ah. Hein? Et beaucoup d'autres règles dans lesquelles ils contredisent les gens de la Sunna. Et c'est pour ça qu'ils ont inventé le concept de wilayatul faqih, hein? Le pouvoir du faqih, c'est-à-dire le cheikh ou le mawla, comme ils les appellent. Donc, c'est eux qui remplacent l'imam pendant son absence. Hein? Et c'est pour ça qu'ils ont fait la révolution en Iran, comme ça, c'est les mawlas qui sont à la tête, hein, de leur système. Donc, tout ça pour dire que ces gens-là, ils détestent les dirigeants. Et quand on les voit, par exemple, maintenant en Arabie Saoudite, il y a beaucoup de Shia, il y a beaucoup de Rafida en Arabie Saoudite qui sont nés là-bas ou qui sont d'origine de là-bas et qui font beaucoup de fitna et beaucoup de problèmes contre les dirigeants de Ahl Sunna là-bas en Arabie Saoudite. Et même des fois quand ils viennent à l'extérieur de l'Arabie Saoudite, eh bien qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chez les koufars, ils viennent dans les pays de kufr, comme ici au Canada ou bien dans d'autres pays parmi les pays de kufr, et ils essaient de salir l'image et la réputation de l'Arabie Saoudite et des dirigeants de l'Arabie Saoudite en inventant toutes sortes de mensonges et de calomnies et en faisant beaucoup de fitna comme ça. Et c'est ce qu'ils font également dans beaucoup d'autres pays. Donc, ça, c'est des exemples. Il y a aussi les exemples, comme le cheikh il a mentionné, l'exemple des Khawarij. Et ça, les Khawarij, on en a vu plein d'exemples de leur attitude. et comment ils appellent justement à sortir et à se révolter contre la Jama'a des musulmans et à yani, critiquer et s'opposer à l'autorité des dirigeants. Yani, ça, c'est une chose qui est connue. Et on l'a vu dans plusieurs pays où il y a eu ce genre de situation et les conséquences de qu'est-ce qui s'est produit à cause de ça, que ce soit yani, en Algérie ou bien dans d'autres pays, par exemple, où il y a eu des révoltes, où il y a eu des manifestations, où il y a eu des coups d'État. Toutes ces choses-là, on a vu les conséquences. Hein? Donc, ces gens-là, ils n'ont aucun autre intérêt et aucune autre occupation que de critiquer et de salir les dirigeants. Ensuite, il dit de même que les Mu'tazila, hein? Les Mu'tazila aussi, ça fait partie de leur méthodologie d'appeler à se rebeller contre les dirigeants et de critiquer les dirigeants. En fait, ces gens-là sont des philosophes, en fait. Hein? C'est des gens qui se prennent pour des philosophes et qui parlent de la religion comme si c'était de la philosophie. Donc, une de leurs idées, c'est justement ils se pensent très intelligents. Ils pensent qu'ils comprennent mieux que tout le monde, tout ce qui a rapport avec la religion. Même mieux que les prophètes, même mieux que les sahaba, mieux que yani, les ulama de l'islam. Donc, eux, ils se basent sur quoi? Sur ce qu'ils prétendent être leur raison. Alors qu'en réalité, c'est leur passion qu'ils suivent. Hein? Et ils ont parmi leurs principes l'idée que l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal, ça signifie de se rebeller contre les dirigeants qui font de l'injustice. Alors ça, c'est la preuve qu'ils n'ont rien connu, rien compris de la sunna. Donc ça, c'est important de savoir. Et il y a beaucoup d'autres. Il y a beaucoup d'autres exemples de sectes et de groupes qui ont ces caractéristiques-là. On a mentionné les frères musulmans tantôt, Al-Ikhwan al-Muslimoun. Donc ça, c'est un exemple de ces gens-là. Et il dit parce que, le Cheikh Ibn al-Qayyim, il dit parce que leur cœur est rempli de rancœur et de trahison et de tricherie contre les dirigeants, et contre en particulier les ulama et les gens d'Ahle Sunna. Et c'est pour ça que tu trouves, par exemple, parmi les groupes mentionnés, les Rafida sont les plus éloignés des hommes de la sincérité, hein, et de la pureté et de l'ikhlas. Et c'est eux qui sont les plus grands traîtres et les plus grands tricheurs des dirigeants et de la Ummah. Et c'est eux qui sont les plus éloignés dans leur éloignement de la Jama'a des musulmans. Hein? Et même qu'aujourd'hui, par exemple, n'importe quel musulman, peu importe hein, quel musulman de Ahle Sunna, même s'il n'a jamais étudié la religion, la aqidah et les sectes, si tu lui dis, est-ce que tu connais une secte dans l'islam, ils vont tout de suite dire les chiites. Même les kuffars, tu leur demandes, vous connaissez une secte? Ils vont dire les chiites. Pourquoi? Parce que les chiites sont devenus un symbole de la division et de la bid'a. Hein? C'est pour ça que souvent les gens, ils pensent qu'il n'y a pas d'autre secte ou d'autre bid'a dans l'islam que la bid'a des chiites rafida. Alors qu'en réalité, on sait très bien que beaucoup d'entre eux, hein, beaucoup de d'autres groupes et d'autres sectes hein, existent. Mais parfois, ils pensent que yani, c'est pas des sectes ou que c'est pas grave. Hein, c'est juste des divergences d'opinion. Alors que c'est des bid'a claires, des sectes et des égarements. Hein, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait annoncé. Après le Cheikh Ibn al-Qayyim, il dit, donc ces gens-là, ils sont les gens qui ont le plus de rancœur et plus de trahison et de tricherie. Hein? Et ça, c'est même basé sur le témoignage du messager et de la Ummah contre eux. Et leur témoignage d'eux-mêmes contre leur propre personne. Hein? C'est-à-dire contre leur propre personne, en parlant des Rafida. Hein? Parce qu'ils n'ont jamais... Il n'y a jamais eu un ennemi hein, de l'islam et des musulmans, excepté que ces gens-là, les Rafida, ont été leurs alliés et leur support et leur aide contre les musulmans. Donc, n'importe quel ennemi hein, qui s'élèvent contre l'islam et les musulmans, tu vas trouver que derrière eux, il y a toujours le support et l'aide des Rafida avec eux. Hein, et ils sont toujours les conseillers et les confidents, hein, des kuffars et des ennemis de l'islam. Donc ça, c'est des réalités qu'on a vues, hein, c'est des réalités qu'on a constatées dans l'histoire. Et le cheikh, il dit ça, c'est une chose. Hein, la Oumma en a été témoin, et celui qui n'en a pas été témoin, il l'a entendu. C'est-à-dire, il mentionne comme exemple à ce sujet-là Ibn al-Alqami, hein, qui était un des ministres à l'époque de la chute du Khilafa al-Abbasiyya. Donc, Ibn al-Alqami et At-Tusi, son nom c'est Mohammed ibn Ali ibn al-Alqami. Donc, il a été une des causes de la chute du Khilafa al-Abbasiyya parce qu'il a fait une alliance avec les Tatars pour les laisser, pour leur ouvrir la porte, hein, et les laisser rentrer pour attaquer Bagdad, hein, qui était la capitale de l'islam à l'époque, la capitale des pays musulmans. Et c'est là que le khilafa était installé, le khalifa vivait dans cette ville. C'était le centre, le cœur de la Ummah à cette époque-là. C'est-à-dire, c'est là que le centre du pouvoir se tenait. Et il a fait, Ibn al-Alqami, il a fait cette entente avec les Tatars, et ce qui a permis justement à ce que les ennemis, les Tatars, rentrent et massacrent les musulmans. Donc, ça, c'est juste un événement, et c'est juste un exemple, hein? Mais il y a plusieurs autres exemples que ça. Et quand on le voit quand il y a des discussions ou des problèmes avec les chrétiens ou avec des juifs ou avec d'autres koufars, eh bien, les Rafida sont toujours là pour semer la fitna et faire des problèmes. Et quand on le voit aujourd'hui, c'est la même chose. Ça continue tout le temps. Et quand par exemple, des chrétiens ou des juifs qui critiquent l'islam et qui accusent l'islam, eh bien, tu vois que eux, ils sont toujours derrière pour dire oui, c'est vrai, hein, en parlant de y en est contre les gens de la sunna. Par exemple, eux, ils ne croient pas au Coran. Hein? Ces gens-là, ils ne croient pas au Coran tel qu'il est actuellement, tel qu'il est révélé. Ils disent que Abu Bakr et Omar et Othman ont changé le Coran. Donc, quand tu vas voir des chrétiens, des juifs qui critiquent l'islam et qui disent « Oh, votre Coran, c'est pas authentique » ou « C'est pas ci, c'est pas ça », et les Rafida qui viennent et qui disent « Oui, c'est vrai, le Coran n'est pas authentique, il a été changé. » Donc, quand les Rafida ils disent ça, ils aident qui? Hein? Ils mentent et ils aident les kuffars qui attaquent l'islam. Quand les kuffars, ils critiquent la sunna et ils essaient de dire hein, que ah non la sunna c'est pas authentique ou c'est pas ci et ça, et les rafida qui sont là derrière qui disent oh oui c'est vrai la sunna c'est pas vrai et des ci et ça, pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas en la sunna, hein. Tous les hadiths qui ont été rapportés des sahaba, hein, qui ont rapporté les paroles du prophète, eux ils considèrent que les sahaba à la base sont des kuffars. Donc comment ils vont accepter les hadiths des sahaba, hein, radiyallahu anhum? Donc, ça, c'est pourquoi ces gens-là sont à la ils sont toujours ils ont toujours été une opposition à l'islam et aux musulmans depuis le début lorsqu'ils sont apparus dans l'histoire. Donc, c'est pour cette raison-là que ces gens-là représentent un grand danger, une grande menace pour l'islam et les musulmans, et une menace qui est beaucoup plus grande et beaucoup plus dure yani les kuffars eux-mêmes, plus que les juifs et les chrétiens. Et donc, c'est pour cette raison-là qu'on voit maintenant l'Arabie Saoudite, hein, qui dépense beaucoup de moyens et beaucoup d'efforts justement pour repousser, hein, l'avancée et les attaques des Shia Rafida, que ce soit en Iran, que ce soit au Yémen, que ce soit en Irak ou ailleurs. parce qu'ils essaient justement d'encercler hein, la Mecque et Médine. Et c'est ça leur intention et c'est ça leur objectif. Hein. Les Rafida, ils veulent reprendre hein, les pays musulmans et ils essaient de faire tout ce qu'ils peuvent justement pour yani, écraser l'Arabie Saoudite. Et c'est pour cette raison-là que il est très important pour les musulmans de défendre hein, l'Arabie Saoudite parce que actuellement dans le monde musulman, il n'y a pas d'autres pays parmi les pays de l'islam qui supportent et qui défendent et qui protègent la sunna hein, autre que l'Arabie Saoudite. Donc celui qui critique l'Arabie Saoudite aujourd'hui hein, et qui yani, se permet d'attaquer l'Arabie Saoudite aujourd'hui, ça c'est un des signes clairs et apparents que dans son cœur, il y a hein, une haine contre la sunna et une opposition à la sunna. Et aujourd'hui, il y en a qui utilisent justement le fait que, par exemple, certains péchés sont présents en Arabie Saoudite pour se justifier dans leur critique et dans leur blâme. Hein? Et ça, c'est déjà une attitude de leur part qui est hypocrite parce que, en réalité, il y a toujours eu des péchés en Arabie Saoudite. Et ça, c'est pas étonnant puisque, en Arabie Saoudite, les habitants là-bas, est-ce que ce sont des anges ou est-ce que ce sont des êtres humains? Hein? Ce sont des êtres humains. Et s'il y a des êtres humains quelque part, eh bien, c'est impossible qu'on n'y trouve pas de péché. Parce que Allah, subhanahu wa ta'ala, il a créé les êtres humains pécheurs. Hein? Donc, un être humain qui ne fait pas de péché, ça n'existe pas. Ça, c'est de un. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Kullu bani Adam khatta. Hein? Tous les êtres humains sont des pécheurs. Wa khayrul khatta'in, at-tawwabun. Et le meilleur de ceux d'entre les gens qui font des péchés, c'est ceux qui se repentent. Alors, il aime la repentance et il appelle à la repentance. Si on ne faisait pas de péché, on ne pourrait pas se repentir. Et Allah aime la repentance et un de ses noms, c'est At-Tawwab. Hein? At-Tawwab. Et un de ses noms, c'est Al-Ghafir, Al-Ghafour, hein? Al-Ghaffar. Donc, il pardonne et il aime pardonner. Et comment il yani, manifeste son pardon si les hommes ne font pas de péché? Donc, ça, c'est pour dire que Allah aime la repentance et tant qu'il y aura des êtres humains, il y aura des péchés. Et tant qu'il y aura des péchés, il y aura la possibilité de se repentir. Et la repentance est une des obligations et des actes d'adoration les plus importantes dans la religion. Donc, il y a toujours eu des péchés là-bas, comme il y en a ailleurs également. Et la différence, c'est quoi? C'est quoi la différence? Pourquoi cibler ou pointer du doigt ce pays-là en particulier en disant « Oh, il y a des péchés là-bas » alors que si tu regardes ailleurs, autour, dans les pays avoisinants, il y a peut-être autant ou plus de péchés. Et non seulement il y a des péchés, mais les péchés qui sont ouverts, hein? Et même les péchés parmi les pires péchés, c'est le shirk billah qui existe dans la plupart des autres pays musulmans. Et qui est pratiqué de façon ouverte, alors que là-bas, le shirk, c'est la première chose qui a été combattue et enrayée par la da'wa du réformateur Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah. Donc, ça, c'est une personne qui est sincère, hein, une personne qui est sincère. Si, par exemple, il dit que il est pas content parce qu'il y a des péchés là-bas en Arabie Saoudite. S'il est vraiment sincère de ça, alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il doit commencer à faire? Hein? C'est il doit commencer à faire la réforme des péchés qu'il y a dans son propre pays. Hein? Parce qu'en Arabie Saoudite, il y a des gens, il y a des ulama, il y a des du'at qui prêchent et qui appellent à la sunna. Et qui appelle au tawhid, et qui clarifie la religion, et qui explique aux gens qu'est-ce qui est halal et qu'est-ce qui est haram, et qui leur donne le bon conseil. Hein? Donc, il y a des gens comme ça. Et ils avertissent contre les bid'a avant tout, et après, ils avertissent aussi contre les péchés. Il y a ça là-bas aussi. Alors, que ça, c'est des choses que dans beaucoup d'autres pays musulmans, on ne retrouve pas. Hein? Mais pourquoi? Pourquoi ils ne le font pas? Parce que les gens, ils disent, oh, mais c'est pas pareil, là-bas, il y a la Mecque et à Médine. Mais s'il y a là-bas la Mecque et Médine, est-ce que vous pensez que ça veut dire qu'un pays musulman où il n'y a pas la Mecque et Médine, ça veut dire que là-bas, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent? Et ils n'ont pas besoin d'appliquer la charia, ils n'ont pas besoin d'appliquer le Coran et la Sunna, ils n'ont pas besoin d'ordonner le bien et d'interdire le mal, ils n'ont pas besoin de faire la da'wa et d'obéir à Allah. Hein? Tous les pays musulmans, hein, sont égaux dans le devoir et l'obligation d'appliquer la charia d'Allah. C'est sûr que la Mecque et Médine sont des terres saintes, c'est des terres particulières, et donc l'obéissance d'Allah et la charia d'Allah doit avoir encore plus d'importance dans cet endroit-là. Hein? Mais ça ne veut pas dire que les autres sont exemptés de respecter et d'appliquer les règles. Donc ça, c'est ce qu'il y a à dire à ce sujet-là, c'est très important. Et donc, si vous voyez par exemple des gens qui critiquent l'Arabie Saoudite de cette façon, eh bien ça, c'est la preuve que c'est des gens qui ont une opposition et une haine contre la Sunna, hein, et contre l'islam aussi même. Et parce que vous voyez, les plus grands parmi ceux qui critiquent l'Arabie Saoudite, c'est les koufars, hein, les juifs et les chrétiens, les laïcs, les démocrates, yani les féministes. Tous les koufars, les différents groupes de koufars, les communistes et autres, tous ces gens-là, ils ont la rage contre l'islam et les musulmans. Et parmi les musulmans et parmi les gens qui sont en train de pratiquer l'islam, ceux qu'ils détestent le plus, c'est l'Arabie Saoudite, parce que c'est eux qui sont le plus attachés et qui mettent en pratique la religion de façon ouverte et apparente. Donc c'est pour ça qu'il faut travailler pour faire en sorte que ce ne soit plus une exception. C'est-à-dire pour que l'Arabie Saoudite ne soit plus une exception, mais que ce soit un modèle et un exemple à suivre pour tous les autres pays musulmans. Hein? Et même si c'est possible, d'être encore meilleur. Hein? Si, dans le sens de l'obéissance à Allah et dans le sens du tawhid et de la piété, d'essayer de faire encore plus d'efforts pour, premièrement, éduquer la population dans l'islam et dans les règles de la religion, hein, de créer des écoles et de créer des universités et de faire en sorte qu'il y ait des ulama, des gens qui puissent enseigner et juger selon les règles de l'islam dans chaque pays musulman. Ça, c'est fondamental. Hein? Pas juste regarder les aspects économiques et le PNB et le PIB du pays, puis dire comment on fait pour augmenter ci et ça, et puis on néglige la foi. À la kulli hal, le cheikh il dit fa inna qawluhu, hein, qawluhu fa inna da'watahum tuhitu min wara'ihim hadha min ahsan al kalam wa awjazihi wa afkhamihi ma'nan shabbaha da'wat al muslimina bis sur was siyaj المحيط بهم المانع من دخول عدوهم عليهم فتلك الدعوة التي هي دعوة الإسلام وهم داخلونها يعني لما كانت صورا وسياجا عليهم أخبر أن من لزم جماعة المسلمين أحاطت به تلك الدعوة التي هي دعوة الإسلام كما أحاطت بهم. Donc le cheikh il dit, hein, le cheikh il explique ici la partie du hadith qui est à la fin, hein, lorsqu'il dit que leur da'wa ou leur invocation invoque, hein, ceux qui sont derrière eux ou de par enveloppe ceux qui sont derrière eux. Cheikh il dit, Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit ça c'est une des meilleures paroles et une des paroles les plus concises et les plus les plus grandes en signification, puisqu'il compare, hein, il compare la da'wa des musulmans et l'invocation des musulmans à une clôture. Et à une clôture et à une barrière qui les entoure et qui les protège. et qui les protège de leur ennemi, hein, pour que leur ennemi ne puisse pas rentrer, hein, sur eux, ou yani pour entrer à l'intérieur, et pour que yani, les gens de l'islam à l'intérieur soient, hein, protégés. Donc, lorsque cette clôture ou cette barrière, hein, les entoure au complet, hein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il compare ça, il compare la jama'a justement à ça, à cette clôture qui protège, hein, les musulmans de l'intérieur et qui empêche l'ennemi de pénétrer à l'intérieur. Et donc, celui qui reste avec la jama'a des musulmans et qui, eh bien, il est entouré et protégé par cette da'wa, hein, qui est la da'wa de l'islam, hein, et il est donc entouré et protégé par cette clôture, hein, de cette da'wa. Donc le cheikh dit « فالدعوة تجمع شمل الأمة وتلم شعثها وتحيط بها فمن دخل في جماعتها أحاطت به وشملته. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. وبهذا الشرح الجميل يتضح معنى هذا الحديث ويظهر أن له شأنا عظيما في شريعة الإسلام. وما أحسن ما قاله العلامة أبو طالب المكي رحمه الله في كتابه قوت القلوب بعد إيراد هذا الحديث. ومن اجتمعت فيه هذه الخصال في زماننا فهو من أولياء الله عز وجل. انتهى كلامه. Donc ici le cheikh il termine donc la citation de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah avec ensuite un petit commentaire. Il dit que donc l'invocation, hein, l'invocation de la jama'a et du dirigeant, elle enveloppe, hein, et elle comprend et elle contient, elle inclut tous les éléments de la umma, même ceux qui sont éparpillés ou éloignés. Et donc, ils sont enveloppés et entourés par cette clôture et par cette barrière et cette forteresse. Et donc, celui qui yani, est rentré dans la jama'a, eh bien, il est enveloppé et entouré par cela, et ça les comprend tous, ça les réunit tous. Et ça, c'est la fin de la parole de l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Ensuite, le cheikh Abdussalam Ibn Burjis, il dit, et par cette belle explication, on comprend maintenant clairement la signification du hadith, et on voit clairement que cela a une grande importance. Hein, on voit à quel point cela est important dans la charia de l'islam. Et il dit, et comme est belle la parole qui a été dite par Al-Allama Abu Talib al-Makki dans son livre Qut al-Qulub, lorsqu'il mentionne ce hadith-là, le hadith qu'on a expliqué, il dit, après avoir cité le hadith, et celui qui a réuni en lui les caractéristiques de ce hadith-là, les trois caractéristiques, à notre époque, alors il fait partie des awliya d'Allah. Il fait partie des awliya d'Allah, c'est-à-dire il fait partie des serviteurs rapprochés d'Allah. Et ça, c'est la fin de la citation de Abu Talib al-Makki. Donc, on a terminé donc l'explication de la deuxième preuve. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui et on expliquera au prochain cours la preuve numéro 3. Inshallah, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.